Dexter. Yeah, M.A.M. Les swag. J'ai Billy. Back to Snigo. Yeah. Au-dessus de la loi. Aïe. Au-dessus des lois. Ouais, c'est qu'être un peu en dehors, excepté par la loi. Au-dessus des lois. Dérapage, vente à passe, donc tu tais-toi. Au-dessus des lois. Ouais, c'est qu'être un peu en dehors, excepté par la loi. Au-dessus des lois. Dérapage, vente à passe, donc tu tais-toi. Ok. M.A.M. Par ici on parle de cette loi depuis un bon moment. Je suis pas comme tous ces putains de gens qui adhèrent n'importe comment. M.A.M. n'est pas un camp, moi je frappe pas dans le vent. J'ignore la loi comme un camp, je m'en fous de tout ton camp. J'explose en ton instant, mon flow est très rageant. Si tu viens vers moi tu crois, je t'explose en un instant. Les punchlines sont uniques, chaque phrase te délivre. Mon flow prend pas de rythme, je reste héros comme Ulysse. La loi je m'en fiche, je me fous de ce que ça dit. Je suis pas d'ici, ouais, venez me tester ici, ouais. Mon flow est trop d'art, mes rimes sont très arts. Mon swag est très rare, la loi elle est trop naze. Dans le royaume moi je suis scar, je tolère pas les cas. Je fais tout ça, je suis au-dessus de la loi. Au-dessus des lois. Ouais c'est qu'être un peu en dehors, excepté par la loi. Au-dessus des lois. Dérapage, prends ta place, donc tu tais-toi. Au-dessus des lois. Ouais c'est qu'être un peu en dehors, excepté par la loi. Au-dessus des lois, les rapaces font ta place, donc que tais-toi. L-I-L-S-W-A-G-G. Ok. J'arrive dans la street, on s'en fout de la loi. On n'a pas envie la loi de bâtard. Tu en prends, tu payes mon tête, tu les construis. Il y a des millions de bitches, c'est mon con qui kiffe la vie. Les bitches de la police, mes amis, et on s'en vit. La loi, on la nique, que les fous, on les évite. Ok. Écoute le lyrique de Swaggy. On m'arrête tout le temps parce que j'ai pas mon permis. Ok, ils s'écoutent pas trop talent. Mentira que je suis impoli. Tu es à boire comme un chien qui est en agression. Tête ta meuf, j'aise quand il meurt en érection. Oh, donc fais attention. M.A.M. Bill Swag, on nous tire de la loi. B.I. Au-dessus des lois. Ouais, c'est qu'être un peu en dehors, excepté par la loi. Au-dessus des lois. Dérapage, prends ta place, donc que tais-toi. Au-dessus des lois. Ouais, c'est qu'être un peu en dehors, excepté par la loi. Au-dessus des lois. Dérapage, prends ta place, donc que tais-toi. Je suis tellement informé que j'ai pas le temps de réfléchir. Tous ces flics qu'on dit formés sont loin de déchirer. So nigo, je suis wanted et personne ne peut me matcher. Ma tête est mise à prix, reste à voir qui pourra la toucher. Le dead est déjà pris, donc avant tu parles là où je suis logé. Never I go Lego, nigo Lego, let's go. Ils me cherchent mais j'ai disparu depuis longtemps, off the place. Cause nigo, I'm wanted, but I speed on your face. So nigo, baby, let's go, baby. Wanted like nigo, come on, baby, fall below. Energy, oh, wanted, but I'm for low. Give me back my crown, the king, back is black. Outlaw, nigga, and I'm wanted by the NASA. Don't go, let it. Au-dessus des lois. Ouais, c'est qu'être un peu en dehors, excepté par la loi. Au-dessus des lois. Dérapage, dans ta face, donc tu tais-toi. Au-dessus des lois. Ouais, c'est qu'être un peu en dehors, excepté par la loi. Au-dessus des lois. Dérapage, dans ta face, donc tu tais-toi. Je me présente, les gars. Ok. TLBD. Goody, Louis, T.L. Bizi. On tombe, on sort, c'est reparti. Au-dessus de la loi, au-dessus des rois. Les keufs me cherchent, qui mourront pas. J'ai pas de coq dans ma gova, ici à Bogot. T.L. Bizi fait la loi. AK-47 dans la face, hors la loi. Dans le rap, le prédateur, les MC sont des proies. J'ai porté vos péchés comme Jésus. Tu la crois, okay. Quand un poulet m'arrête, moi je montre mon corps. Comme un cascadeur, ma vie est un. Allez dire et ne que mon temps fait le son. ABZ qui peut me tester, TLB disait le best. Les MC font la sieste, ils ont la peste. Au-dessus des lois. Ouais c'est qu'être un peu en dehors, excepté par la loi. Au-dessus des lois. Dérapage. Dexter.